que tu prends toujours tes paroles. Même l'été, même l'hiver, dans tes vies, faut qu'on divise quand t'es pas bien et que t'as la haine. Oh Marie-Madeleine, oh Marie-Chantal, oh Marie-Gisèle, oh Marie-Françoise. Je pense encore à tes reins, là au-dessus de tes fesses tatouées, un cœur avec des ailes.